Tout au long de cette dernière semaine de l'année, France Culture vous emmène à la rencontre des grands explorateurs du présent. Et pour commencer notre série en ce lundi 25 décembre, quelle qu'en soit la signification pour vous, eh bien nous avons le plaisir de recevoir l'une des plus grandes primatologues au monde dans les pas de Diane Fossé et Jane Goodall. Elle s'est intéressée tout particulièrement à la zoopharmacognosie, c'est-à-dire la faculté de certaines populations de chimpanzés à pratiquer l'automédication en se nourrissant de plantes médicinales. Sabrina Krief est notre invitée pour l'heure qui vient et notre première grande exploratrice de la semaine. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Sabrina Krief. Mille merci d'avoir accepté notre invitation d'incarner ce premier visage de notre semaine spéciale consacrée aux grands explorateurs du monde contemporain. Alors, je vais refaire votre CV rapidement. On va avoir une heure entière pour le parcourir. Vous êtes vétérinaire de formation, primatologue, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez tout particulièrement travaillé sur les populations de chimpanzés d'Ouganda. On va y revenir. On va également parler avec vous de ce rapport alarmant sur des malformations de grands singes vraisemblablement liées à l'exposition aux pesticides et aux polluants, ou encore de la découverte, chose rare puisque c'est la première découverte d'une nouvelle espèce de grands singes depuis les années 30, depuis les bonobos, d'une nouvelle espèce d'orang-outan, c'était l'automne dernier. Mais avant cela, pour commencer, on va parler un peu de votre parcours et plus particulièrement de la question de la vocation qui m'intéresse toujours chez les chercheurs, chez les artistes. Enfin bref, comment est-ce qu'une vocation naît ? Vous êtes originaire de Normandie. Toute jeune, vous faites la tournée avec un vétérinaire pour soigner les chevaux, les animaux de la ferme. Mais quel est votre tout premier souvenir qui est associé à un grand singe ? Alors, le premier souvenir associé à un grand singe, en fait, c'est probablement à Paris, à la ménagerie du Jardin des Plantes, même si le vrai contact qui m'a emmené probablement jusqu'aux forêts tropicales, c'est vraiment celui à Bornéo avec les orang-outans, où là, on était parti pour découvrir vraiment une île magnifique et on a eu la chance d'avoir un orang-outan sauvage qui est descendu vers nous avec un jeune enfant accroché à elle, donc c'était une femelle, qui nous a gratifié d'un moment extraordinaire avec un échange de regards et c'était extrêmement émouvant parce qu'on avait déjà eu l'occasion de voir à quel point l'île de Bornéo était soumise à la déforestation et d'avoir comme ça une femelle qui s'approchait de nous, ça a été, quand je dis nous en fait, c'est parce que j'étais déjà à l'époque avec mon mari en train d'explorer cette forêt et ça je pense que ça a été un moment tout particulier. C'était quand ce premier contact ? Ça s'est passé quand ? dans votre carrière, disons, pas l'année précise, peu importe. Ouais, voilà, on avait 22 ans à peu près. D'accord. J'évoquais ces tournées vétérinaires dont vous avez parlé dans plusieurs entretiens. Qu'est-ce qui vous touche dans le monde animal à ce moment-là ? Quels sont les premiers contacts que vous avez à cette époque dans votre enfance quand vous faites ces tournées ? Alors en fait, je ne suis pas vraiment originaire de Normandie, je suis née à Maisons-Alfort. D'accord. voilà un point donc, commun. À côté de l'école vétérinaire. J'ai assez rapidement eu la chance effectivement d'aller en Normandie parce que mes grands-parents avaient une maison dans le Perche et je pense que pour une Parisienne en fait, passer ses week-ends à la campagne était un moyen de prendre contact avec la faune, donc j'ai assez rapidement découvert les bestioles de l'herbe, des bassins qu'on avait dans la maison et puis la forêt. Et assez tôt, en fait, j'ai fait du poney, voilà. Et donc, je pense que le lien entre l'animal et le milieu naturel a été relativement fort dès le début. Puis ensuite, c'est tourné véto, puisque dès petite, en fait, j'avais comme idée de faire vétérinaire. Et les vétérinaires, donc, de Moulin la Marche, dans le Perche, m'ont assez rapidement amené avec eux faire ces tournées dans une zone où c'est surtout une pratique rurale, donc avec des chevaux, des vaches. Et je pense que le contact avec ces gros animaux impressionnants pour une petite fille, en fait, était quelque chose de fort aussi. Et j'aimais partir la nuit, ils m'appelaient pour les vélages et les poulinages, et partir la nuit comme ça, dans parfois une Normandie humide, au contact de ces animaux, c'était quelque chose d'assez étonnant. Alors, on va revenir sur vos études, justement, effectivement, à l'école vétérinaire de Maison Alfort, mais vous parlez aussi d'un contact assez tôt, alors d'abord avec les livres de Théodore Monod et de Jean Durst, mais plus particulièrement avec les travaux de Diane Fossé et Jane Goodall. À quel moment ça arrive dans votre vie? Quand est-ce que vous découvrez justement leurs travaux, leur vocation, leur passion? En fait, je ne pense pas que ce soit vraiment une passion qui a émané de la lecture ou de la découverte de ces femmes. Ça, c'est vraiment arrivé plus tard, quand j'ai compris à quel point leurs recherches étaient innovantes et à quel point aujourd'hui encore on se référait à leurs ouvrages pour des questions d'actualité. Par contre, évidemment, ce qui m'a fascinée, c'est ce côté explorateur, justement, ou exploratrice. Mmh. Le fait de pouvoir partir dans ces endroits encore méconnus, de pouvoir décrire des choses qui, du point de vue occidental, étaient encore inconnues. Ça m'a fascinée assez rapidement. Je pense qu'il y a d'autres inspirations via le cinéma ou via la télé. J'avais pas forcément le droit de regarder beaucoup la télé, mais ma mère me laissait regarder Tarzan et compagnie. puis plus tard, peut-être les Ushuaïa Nature, et voilà. Donc c'est vraiment un mélange de choses, et aussi sûrement le fait que, certes, j'avais envie d'être vétérinaire, mais j'étais allergique aux poils de chien, de chat, à la poussière, au foin, etc. C'était et pas très pratique. Voilà, toutes ces tournées, en fait, faisaient que je rentrais avec de l'asthme et les yeux gonflés, et j'ai assez vite compris que c'était probablement pas ma destinée de travailler en cabinet ou encore avec les vaches et les chevaux, parce que c'était carrément impossible d'un point de vue santé. Mais par contre, ce côté pouvoir comprendre l'animal dans son milieu m'a passionnée, et je me suis dit que l'approche vétérinaire était intéressante, même si je ne soignais pas forcément directement les animaux. Sur cette question de la vocation, c'est vrai qu'en primatologie est un domaine où il y a beaucoup de femmes et de femmes très célèbres, de figures féminines très fortes. C'est quelque chose aussi qui a trouvé un écho, une résonance en vous ? Je suis pas persuadée que ce soit vraiment cet aspect-là qui m'ait attirée. En fait, pour tout vous dire, j'avais commencé plutôt à travailler sur les éléphants. J'avais rencontré Pierre Pfeffer lors d'un stage au Muséum d'Histoire Naturelle, et j'avais eu un contact très fort avec lui, et il m'avait vraiment mobilisée sur le fait que les éléphants étaient en voie de disparition. C'était au même moment, en fait, que on commençait à penser à partir à Bornéo. Il a écrit un ouvrage qui est assez peu connu sur Bornéo, mais qui est tout à fait passionnant. Et donc, j'avais commencé une thèse, en fait, sur les éléphants. Donc, la primatologie m'attirait, mais je n'avais pas une passion depuis toute petite pour les grands singes. Je pense que c'est plus vraiment la faune sauvage qui m'attirait. Après, effectivement, la révélation de la rencontre avec les grands singes a été l'élément qui a déclenché mon souhait de continuer sur ces espèces. Alors, vous m'avez raconté à l'instant ce premier contact visuel avec une femelle orang-outan et son petit à Bornéo. Moi, j'avais lu autre chose. J'avais lu un entretien où vous parliez d'un voyage au Congo avec Jean-Michel, votre futur mari, sur une bourse d'Effie Jeune. Oui, alors ça, c'est vous m'avez demandé quel était le premier, tout premier contact avec un grand singe. Mais effectivement, le moment le plus fort qui a probablement fait que j'ai souhaité poursuivre sur les chimpanzés cette fois-ci, et pas forcément sur les grands singes en général, c'est ce voyage au Congo, où en fait on partait pour, donc à la fin de mes études vétérinaires, cette dernière année vétérinaire où on doit choisir vers quelle voie on s'oriente. Et donc là, j'avais choisi ce qu'on appelle une option libre. Donc on avait dû préparer un projet qu'on avait soumis à la bourse Défi Jeunes pour essayer d'avoir des financements. Et ce projet était de suivre un groupe de chimpanzés qui avaient été victimes du braconnage, en fait des jeunes chimpanzés récupérés, qui étaient les enfants de mères chimpanzés tuées par les braconniers, et que l'association Alpes Congo avait donc récupéré et souhaitait remettre en liberté. Donc une première étape était de les placés sur des îles, dans une lagune à Conquati, et puis ensuite, ceux qui semblaient les plus aptes de les relâcher en milieu naturel. Et donc, on arrive premier jour face à cette île où il y avait tout plein de chimpanzés en barque, puisqu'il s'agissait d'aller les nourrir, de participer au nourrissage. Et là, on nous met bien en garde, attention, il ne faut pas que les chimpanzés montent dans les barques, ça peut être dangereux, il y a des individus adultes, ils n'ont pas vraiment peur des humains. Donc, faut vraiment à tout prix éviter les contacts physiques. Et en fait, la barque s'approche, une femelle se dirige vers la barque, alors les bras levés au-dessus de la tête parce qu'elle déteste se mouiller les mains. Et puis, elle attrape la barque et monte dans la barque et en fait m'enlace. C'est un geste, mais d'une extrême douceur. Et en fait, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur. J'ai juste profité du moment, de ce moment de bienvenue. Donc Jean-Michel, qui était sur une autre barque, a fait des photos et on a redécouvert après que c'était effectivement un geste de bienveillance, d'accueil. Quelque chose qui existe chez les chimpanzés entre eux quand ils se retrouvent ou quand il y a une certaine excitation, de s'enlacer ou de s'embrasser, même s'embrasser sur la bouche. C'est un geste qui existe chez les chimpanzés. Et puis la suite du travail qu'on a fait pour suivre ces six chimpanzés a réveillé en fait en moi un besoin de comprendre et surtout a suscité donc ces questions autour de l'automédication. Et de l'alimentation dès le départ, puisqu'on voit qu'il y a un lien. Justement, racontez-moi, vous terminez votre école vétérinaire, vous faites un certain nombre de stages, de séjours au Kenya, Bornéo, au Congo, avant de vous concentrer sur le parc de Kibale en Ouganda. Comment est-ce que vous y êtes arrivé et comment est né justement cet intérêt pour l'automédication et pour toutes ces questions qui vont être le centre de votre travail pendant de nombreuses années, Sabrina Krier? Alors, ces jeunes chimpanzés, en fait, sont récupérés par les braconniers, leur mère est tuée, et souvent, ils sont mis en vente sur les marchés, achetés par des humains qui vont les nourrir avec des oranges, des mangues, ce qu'on trouve en Afrique. Et donc, l'association Alpes Congo les récupère, parce que autour de 6-7 ans, ça devient complètement impossible de garder un chimpanzé comme animal de compagnie chez soi, même avec toute la meilleure volonté du monde, et continue à les nourrir avec des aliments cultivés. Et donc, au moment de relâcher ces six chimpanzés qu'on va suivre pendant 5 mois avec Jean-Michel, se pose la question de savoir si ils vont être capables de trouver dans cette forêt qu'ils connaissent très très peu, en fait, qu'ils ont eu l'occasion de découvrir avec leur mère alors qu'ils avaient quelques mois, vont-ils être capables de trouver l'alimentation qui leur convient? Ne vont-ils pas s'intoxiquer? Vont-ils être malades? Vont-ils avoir des carences? Et donc, moi, ma mission pendant ce stage est de faire leur suivi, d'essayer d'évaluer leur état de santé. Donc, évidemment, j'en connais pas beaucoup plus qu'eux sur la forêt tropicale, mais on a la possibilité de faire des palpations, des auscultations et tout ça. Et en fait, il se révèle qu'ils sont absolument pas malades, pas de diarrhée, et a priori, ils arrivent à s'alimenter. Donc, je commence à répertorier de façon très systématique toutes les plantes qu'ils mangent, les quantités qui sont ingérées, le temps passé, et on est vraiment surpris de ne pas avoir besoin de complémenter leur alimentation. Et puis, avec les assistants congolais avec lesquels on travaille, on discute des plantes, et à plusieurs reprises, ils me disent, mais cette plante-là, c'est pas un aliment, c'est un médicament. Nous, au village, on l'utilise pour se soigner, contre la toux, etc. Là commence à surgir cette question, mais est-ce que les chimpanzés finalement ne seraient pas aussi capables de se soigner? Et est-ce que quand ils prennent cette plante, là, ces jeunes chimpanzés, finalement, est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est une erreur? Après tout, ils peuvent aussi faire des tests. Et donc, je décide de poursuivre autour de cette question. Je fais un DEA, donc l'équivalent du master aujourd'hui, en essayant donc de poursuivre cette recherche sur les aliments consommés sur une période un peu plus longue et surtout de faire une analyse semi-quantitative des plantes consommées. Donc je rencontre Marcel Ladic qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et qui travaille sur la perception gustative chez les primates et les humains et aussi sur ces questions de métabolites secondaires des plantes, donc molécules qui ne sont pas indispensables aux fonctions primaires de la plante mais qui peuvent servir donc de façon détournée pour faire des médicaments. Et donc il me propose de faire des essais pour tester la présence d'alcaloïdes, de tanins, de saponosides dans les plantes consommées par ces jeunes chimpanzés. Et on trouve en effet que certaines plantes ont persisté dans leur alimentation, donc certaines ayant ces propriétés médicinales, et que parmi ces plantes, certaines ont en effet des alcaloïdes, des tanins, et qu'il semble que les premières consommations qu'on ait observées n'aient pas été des erreurs, puisqu'ils continuent de temps en temps à les utiliser. Donc, bon, ça, le débat se termine, et on me suggère, si je veux poursuivre dans la recherche, il serait bien de travailler sur des populations sauvages et d'aller un peu plus loin que juste des essais semi-quantitatifs, donc d'aller jusqu'à l'identification des plantes. Et c'est comme ça, en fait, que les vacances suivantes, avec Jean-Michel, on part en Ouganda, parce que ça nous semblait une destination appropriée pour faire des recherches sur les chimpanzés. On visite différentes stations d'études des chimpanzés et on découvre le parc national de Kibale, une station de recherche absolument incroyable par rapport à ce qu'on a vécu au Congo, qui était dans des conditions vraiment très spartiates, on va dire. Le fait donc que cette station d'études est utilisée par une équipe de l'université d'Harvard, et en particulier donc Richard Mangam, qui lui même a commencé à faire des travaux assez pionniers sur la question de l'automédication. Donc tout se combine plutôt pas mal je décide de commencer une thèse et de travailler en Ouganda sur cette thématique-là. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Sabrina Krief est notre invitée en cette semaine consacrée aux grands explorateurs et aux grandes exploratrices, en l'occurrence, du monde contemporain. Effectivement, on va poursuivre un peu ce parcours qui est le vôtre et vos études et surtout les conclusions auxquelles vous allez aboutir, Sabrina Krief, hein, cette thèse. Vous l'avez dit, vous allez finir par la soutenir en 2003. Alors, je vais donner le titre complet, mais peut-être que plus que le titre, ce sont les conclusions qui sont intéressantes. Métabolites secondaires des plantes et comportement animal, surveillance sanitaire et observation de l'alimentation des chimpanzés en Ouganda, activités biologiques et études chimiques de plantes consommées. Ben, un peu long, hein. C'est un peu long, mais en même temps, ça donne un programme assez complet. Ce sujet d'étude, hein, qu'on appelle la zoopharmacognosie, du coup, ça vous oblige à ajouter quelques cordes à votre arc, notamment en matière de chimie et d'écologie. Oui, exactement, puisque en fait, donc cette thèse est engagée sous la supervision de Marcel Ladic, mais aussi de Thierry Sévenet, donc qui est chimiste à l'Institut de chimie des substances naturelles, et qui m'annonce dès le départ qu'il va falloir que je fasse moi-même les thèses d'activité biologique et l'identification des molécules potentielles qu'on trouverait. Et donc c'est un sujet assez riche, puisqu'on sait aussi peu de choses sur la santé des grands singes en milieu naturel, que là, cette fois-ci, on a affaire à des chimpanzés vraiment sauvages, donc pas question de faire d'auscultation, de prélèvement, etc. Donc il y a cette distance de 8 mètres qu'il faut garder avec les chimpanzés, donc des moyens détournés en fait pour évaluer l'état de santé. Puis ensuite une identification botanique vraiment précise, puisque il faut d'une part connaître le régime alimentaire habituel, savoir quelles sont les plantes qui sont mangées rarement, et le plus souvent en fait, même si l'équipe d'Harvard a déjà une bonne base de données, ce sont principalement les aliments bien connus, qui sont répertoriés, les aliments que le groupe consomme. Mais par contre, les plantes qui sont prélevées une fois par-ci par-là par un individu, souvent ne sont pas répertoriées. Donc assez rapidement, je dois me mettre en contact avec des botanistes d'Ouganda, faire donc à la fois des herbiers et puis ensuite des récoltes de ces plantes, les sécher, ensuite faire des extraits et une fois arrivé en France, tester ces extraits sur différentes cibles qu'on détermine en fonction de ce qui est disponible, mais aussi potentiellement des maladies que pourraient avoir les grands singes et qu'on pourrait avoir de communes avec eux, puisque l'idée est de ne pas forcément faire des tests qui concernent uniquement la santé des grands singes, mais éventuellement de pouvoir trouver des molécules molécules qui puissent être utiles à la médecine humaine. Et à la recherche en pharmacologie, on va y revenir. Mais du coup, c'est un travail d'extrêmement longue haleine, parce que comment faire à la fois pour monitorer la santé de ces chimpanzés sauvages et ensuite pour identifier l'utilisation très ponctuelle, hein, vous l'avez dit, et on va voir si c'est d'ailleurs si c'est inné ou acquise, c'est fait partie des grandes questions que vous soulevez dans vos travaux. Comment faire pour identifier qu'à tel moment, tel singe ou tel chimpanzé va aller se servir de tel tanin, de telle écorce, de telle plante? Alors, c'est avant tout déjà un travail d'équipe. Donc, évidemment, il y a une grande partie du travail que j'initie qui ensuite est pris en charge par les équipes de terrain. Donc, au quotidien, en fait, il s'agit de se lever relativement tôt, d'aller au nid des chimpanzés pour pouvoir récupérer les premières urines du matin, pour pouvoir faire des analyses d'urine, éventuellement les selles, puisque les chimpanzés construisent des nids tous les jours, des nids différents, et que, généralement, quand on les laisse le soir, on sait à peu près qui est dans quel nid. Donc ça nous permet d'avoir des échantillons, même si c'est pas gagné tous les jours, hein, d'individus identifiés, puis ensuite de pouvoir suivre. Alors, l'autre problème des chimpanzés, c'est qu'ils ont un système, enfin, notre problème en fait avec les chimpanzés, qu'ils ont un système social assez compliqué de type fission-fusion. Donc on ne suit pas un groupe homogène toute la journée. Donc on doit choisir un individu que l'on va suivre et éventuellement faire ses observations en fonction des autres individus du groupe. Mais donc il faut suivre un individu, répertorier les plantes consommées en fonction de son état de santé et du coup aussi essayer d'avoir le sous-groupe dans lequel il se trouve pour voir si son régime alimentaire se différencie de celui des autres. Quand on a un individu qu'on sait malade, on va plus particulièrement se focaliser sur lui et donc, si possible, avoir les données le concernant et les données du reste du groupe. Donc là, évidemment, j'ai formé des assistants de terrain à la prise de données, donc des prises de données systématiques qui se concentrent sur un individu, puis en même temps sur des scans, en fait, sur l'ensemble du groupe. Et en croisant ces données, on essaye de répertorier l'ensemble des plantes consommées. Donc on arrive, après quelques années, à 300-350 parties de plantes différentes, 350 aliments différents. Et parmi ceux-ci, donc, des plantes qui sont mangées beaucoup plus rarement, parfois par des individus malades, quand on arrive à détecter des maladies, et surtout en essayant de faire un recouvrement avec les plantes qui sont utilisées en médecine traditionnelle, donc soit localement, soit par la bibliographie, et encore, évidemment, grâce à l'aide des chimistes qui sont intéressés par certaines familles de plantes ou certaines familles de molécules. Donc souvent, simplement l'évocation de la famille botanique fait que les chimistes disent « Ah, bah ça, c'est une plante qui est peu connue, ça nous intéresse de la travailler ». Donc voilà, il y a vraiment un faisceau de convergence qui nous amène à sélectionner certaines plantes pour travailler en chimie dessus. Et sur le recoupement, vous vous rendez compte très vite qu'il y a effectivement 20-25% des plantes médicinales utilisées a priori par les chimpanzés qu'on retrouve dans la pharmacopée locale des populations qui vivent alentour. Alors, encore une fois, très vite, c'est peut-être pas le terme. Peut-être pas très vite, alors pardon. C'est peut-être un peu long. Au terme d'un long travail de recherche, vous vous rendez compte qu'il y a des recoupements. Mais en tout cas, les assistants le mentionne, et grâce aux travaux de collaboration avec les Ougandais, on peut faire des études sur la médecine traditionnelle. Donc on travaille avec des chercheurs qui font de l'ethnopharmacologie ou de l'ethnomédecine, et ça nous permet de confirmer effectivement avec une méthode scientifique et pas juste des anecdotes que la plupart des plantes qu'on semble trouver grâce au comportement des chimpanzés se trouvent aussi être celles qui sont utilisées par les populations locales en médecine traditionnelle. Vous montrer hein, qu'il y a effectivement le régime alimentaire des chimpanzés peut agir de façon préventive et curative pour améliorer leur santé, que par ailleurs ça peut être une source, vous venez de le dire à l'instant, de recherche pour la pharmacologie, mais la question est de savoir si ces usages sont des usages innés ou des usages acquis. Oui, alors en fait, ces recherches en fait nous ont permis de mettre à jour effectivement que certaines plantes sont consommées plus spécifiquement par des individus, parfois malades, parfois c'est difficile de mettre ça en évidence. Et donc on a décidé de, en même temps, regarder quelles étaient les interactions entre les individus consommateurs et ceux du reste du groupe. Là, on a montré que les observations proches, quand je dis proches, c'est à quelques centimètres de l'individu consommateur, consommateur était généralement tourné vers les consommations de plantes les plus inhabituelles. Donc j'ai comparé ça avec les données qu'une collègue chez l'IMACI qui travaille sur les gorilles en République centrafricaine a collectées de la même façon. Et là, on a montré que chez les chimpanzés, il y avait vraiment une interaction très proche autour de ces plantes et que le modèle utilisé était généralement un individu adulte âgé de 25 à 35 ans qui pouvait être un mâle ou une femelle, pas forcément donc la mère qui sert uniquement de référence aux jeunes, mais bien un individu central dans le groupe, généralement en pleine force de l'âge, qui est l'objet de l'attention de ses congénères. On a aussi mené des travaux en captivité avec donc des chimpanzés, des orang-outans et des gorilles. Donc c'est le travail d'Eric Gustafsson qui était doctorant avec moi. Et là encore, on s'est intéressé à la première étape qui est la découverte de la plante, puisque théoriquement ces plantes sont susceptibles d'empoisonner. Et donc il faut passer une première étape qui est la néophobie, la peur de la nouveauté. Et puis ensuite voir comment ça se transmet, ça se propage dans le groupe. Et là, en comparant chimpanzés, orang-outans et gorilles, on a montré qu'il y avait effectivement une curiosité des chimpanzés vis-à-vis de la nouveauté, qu'il y avait aussi une peur assez importante de l'ensemble du groupe, mais qu'après la première initiative conduite par un individu, le comportement se transmettait généralement à l'ensemble du groupe avec des tests, pas forcément des ingestions vraiment fréquentes, mais en tout cas des essais qui permettaient probablement de prendre contact avec le goût particulier de ces plantes qui sont généralement amères, astringentes, etc. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation au milieu trophique et donc une forme de plasticité comportementale. Ça n'est pas juste de l'inné dans ces espaces, voilà, dans ces colonies de chimpanzés qui auraient l'habitude d'interagir depuis très longtemps avec leur environnement. Les autres indices qui sont plutôt en faveur de cette hypothèse de transmission et donc de culture sont le fait que des individus qui ont à disposition les mêmes plantes dans un même habitat ou parfois un peu éloigné ne consomment pas forcément, n'utilisent pas forcément ces plantes-là. Il y a l'exemple assez évident d'une fleur qui s'appelle Acanthus pubescens, qui est extrêmement disponible un peu partout en Ouganda, que les chimpanzés de Kanyawara, donc où je travaillais sur l'automédication, ne consommaient pas. Par contre, ils consommaient les tiges de cette plante-là, mais de façon alimentaire, vraiment courante. Et par contre, à 300 km au nord, une collègue qui suivait aussi l'alimentation des chimpanzés a révélé qu'ils consommaient ces fleurs-là. Et ces fleurs ont des propriétés antibactériennes. Voilà. Après, aujourd'hui, je sais que la communauté sur laquelle je travaille, qui est voisine de la première où j'ai travaillé, donc en comparant la communauté de Sébitoli à la communauté de Kanyawara, on voit déjà des différences en termes d'usage de certaines plantes qui ont des propriétés médicinales. Par exemple, les fleurs de poivre qui ne sont pas consommées à Kanyawara, mais qui sont consommées à Sébitoli. L'autre question que posent vos travaux est évidemment celle du rapport au goût, du choix alimentaire, non plus par seul aspect nutritionnel, mais aussi par plaisir gustatif. Et du coup, forcément, vos travaux vous ont conduit sur ces liens-là et sur la question du goût en règle générale chez les grands singes et la différence avec Homo sapiens. Oui, effectivement, il semble que la perception gustative soit au cœur de la sélection des items non alimentaires, mais évidemment aussi des items alimentaires. On a explorer un peu cette question en essayant de comparer homme et grand singe, en se demandant comment ce goût pouvait aussi arriver autour de cette question de l'inné. Et en fait, les travaux autour de mon habilitation à diriger des recherches m'a fait prendre contact avec Benoît Châle, qui travaille donc sur ces questions-là chez le nouveau-né. Et en fait, il m'a suggéré que probablement la perception gustative des nouveau-nés était déjà fortement influencée par celle de la mère. Si la mère consomme des plantes extrêmement amères, le nouveau-né sera en contact avec cette perception gustative et donc sera peut-être plus réceptif et sera peut-être plus enclin à consommer une plante amère plutôt qu'à la rejeter dès la première bouchée. Une autre chose qui m'intéresse tout particulièrement est le fait de l'association des items, pas uniquement des plantes, puisque en fait j'ai assez rapidement remarqué qu'avec la plante qu'ils utilisent le plus souvent, ayant des des propriétés antipaludiques très fortes. Ils y ajoutent de la terre et cette association, en fait, a pour effet d'améliorer l'activité contre l'agent du paludisme et utilisée plus largement en Afrique pour réduire les diarrhées comme pansement digestif et aussi décrite comme moyen de réduire le goût désagréable par les populations locales. Donc souvent, ils ajoutent de la terre pour les animaux ou pour les enfants pour réduire la toxicité et pour faire aussi en sorte que ce soit plus acceptable et que les enfants ou les animaux veuillent bien consommer les remèdes. Sur cette association, il y a aussi un autre aspect qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est le fait que les chimpanzés chassent, consomment de la viande et donc dans les populations qu'on suit, dans les communautés qu'on suit, cette viande est toujours associée à des plantes. Et encore une fois, des plantes qui ne sont pas des plantes alimentaires. Donc il semblerait qu'il y ait aussi peut-être une activité biologique qui permette de réduire les risques de s'intoxiquer, puisque la première partie qu'ils consomment, ce sont les viscères, donc avec des parasites, des bactéries qui peuvent potentiellement les contaminer, mais aussi qui ont un goût très fort. Et l'ajout de ces plantes, un peu comme les épices chez nous, pourrait à la fois modifier le goût et en même temps donc réduire les risques d'intoxication. Quel type de plante, par exemple, est utilisé ? Alors, ils utilisent les feuilles de gingembre sauvage d'Aframomum, qui ont un goût citronné, et ces mêmes feuilles sont utilisées parfois pour boire. Donc, on sait que les chimpanzés façonnent des éponges pour aller chercher de l'eau dans les trous d'arbres qui ne sont pas accessibles avec la main. Leur main est trop grosse pour aller récupérer l'eau et boire avec la main. Par contre, ces feuilles de gingembre sauvage sont aussi utilisées par les chimpanzés dans les rivières, dans les lits de rivières, où là, l'eau est complètement accessible. Et donc, j'ai pu observer qu'ils faisaient aussi des boules de feuilles de gingembre sauvage pour aller prendre de l'eau et qu'ensuite, ils les pressent entre leurs lèvres et leurs dents, faisant une sorte de jus, en fait, une sorte de citronnade. Voilà, qui plaiderait pour un choix gustatif, pour le coup. Voilà, enfin, exactement. Enfin, la limite entre choix gustatif et propriété médicinale est extrêmement difficile à faire et à établir. Ouais. Mais probablement que les deux sont extrêmement mêlés et un peu comme nous, on est vraiment dépendant de cette perception gustative dans notre sélection de plantes. Deux questions pour conclure sur cette partie, puis on va venir à vos travaux plus récents. D'une part, est-ce que certaines de ces observations sur l'utilisation de plantes médicinales, sur la zoopharmacognosie, a pu être répliquées chez d'autres populations de grands singes ? Alors en fait, mes travaux ont fait suite à ce qui avait été observé donc par Richard Wangham sur l'utilisation de feuilles rugueuses. Donc ça a été montré dans de nombreuses communautés de chimpanzés. Donc ce qui les relie, ces observations, c'est le fait que les chimpanzés utilisent des plantes hérissées de petits poils qu'ils vont ingurgiter le matin à jeun. Première chose, au réveil, ils descendent, ils vont chercher ces feuilles, les ingurgitent tout rond et ça favorise l'expulsion des parasites digestifs. Donc ça a été confirmé dans différentes communautés. L'autre équipe qui travaille sur l'automédication est celle de Mike Hoffman. Donc lui a travaillé en Tanzanie et a montré en particulier les usages de Vernonia amygdalina par les chimpanzés et a aussi décrit d'autres utilisations. Faut savoir que c'est, on le disait tout à l'heure, une étude qui est vraiment une étude de long terme et qui demande vraiment beaucoup d'investissement de la part de plusieurs équipes. Donc, c'est pas forcément les choses qu'on peut conduire de façon assez facile sur différentes communautés de chimpanzés. Surtout qu'il y a assez peu de communautés de chimpanzés qui sont disponibles entre guillemets pour de telles études, c'est-à-dire qu'on peut approcher suffisamment pour pouvoir avoir des observations qui sont rares, anecdotiques, etc. Mais chez le gorille, le bonobo ou l'orang-outan, on a observé des comportements similaires ? Alors, ma collègue qui a travaillé donc chez Limassi, qui a travaillé sur les gorilles, en fait montre que certaines plantes médicinales sont consommées mais pas du tout avec le même type de comportement que les chimpanzés. En fait, les gorilles ont la capacité de détoxiquer les plantes avec leurs gros intestins et donc semblent consommer sans moins les sélectionner les plantes. Donc il n'y a pas forcément d'associations qui ont pu être faites entre l'état de santé et la consommation. Chez les orang-outans, il y a quelques pistes. Par contre, ce qui a souvent été montré, c'est l'usage en en externe de plantes à propriété répellente, et ça tout particulièrement chez les capucins, donc en Amérique cette fois-ci, donc pas des grands singes, mais qui utilisent des plantes en fait pour se frictionner et éviter d'être attaqués par les insectes. Est-ce que vos recherches ont abouti ou ont ouvert des perspectives en pharmacologie? Je pense par exemple, vous parliez tout à l'heure d'antipaludiques. Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu des applications intéressantes en termes de recherche pharmacologique? Alors les deux molécules qu'on a trouvées ont effectivement une très bonne activité. Il y a des labos américains qui m'ont contacté pour travailler sur cette plante-là. Je n'ai pas leurs résultats et leurs décisions, mais je n'ai jamais vu. En fait, l'idée étant bien sûr de ne pas utiliser la plante, mais de répliquer la molécule par synthèse ou par hémisynthèse. J'ai jamais vu ces molécules sur le marché actuellement, que ce soit pour l'usage antipaludique ou pour d'autres usages antiparasitaires. About your folks in a heck of a way. A lot of other things I'm afraid to say. The lion jumps up all full of rage, like a Harlem cat that's blowed his gauge. He meets the elephant under the tree. He says, "Now, big boy, is you or me?" The elephant looks him from the corner of his eyes. Better find someone to fight your side. The lion jumps up, he makes a fancy pass, but the elephant knocks him over in the grass. He fought all night and he fought all day. I don't know how the lion, well, he got away. He come back to the jungle more dead than alive, and that's when the monkey really started his jive. You call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king. I found out you ain't a doggone thing. Jumping up and down, and his foot missed the limb, and his head hit the ground like a bolt of lightning and a streak of heat. The lion was on him with all 4 feet, but the monkey looks up from the corner of his eye, says, "Now, Mr. Lion, I apologize." The monkey on his back stood his upper scheme. He's trying to trick that jungle king. Be fair with me, I wish you would. I'd tear you up all over the wood. The lion jumps up, squares off for a fight, but the monkey jumped completely out of sight. So if you bother me again, I'll turn you over to my elephant friend. You call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king. I found out you ain't a doggone thing. Signifying Monkey de Willie Dixon dans la méthode scientifique, puisque pour notre première grande exploratrice de la semaine consacrée aux explorateurs sur France Culture, nous avons le plaisir de recevoir la primatologue Sabrina Krief. Alors, l'observation des populations de grands singes sauvages est évidemment une chose importante, mais le travail en captivité en est une autre, au moins tout aussi importante. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Sabrina Krief, bonjour à tous. Vous qui étiez tombée amoureuse de Nénette l'an passé pour votre premier reportage à Ménagerie du Muséum d'Histoire Naturelle, bien vous teniez absolument à retourner passer du temps avec elle. Ouais, mais alors cette fois c'est davantage le travail des vétérinaires et des soigneurs que je voulais mettre en avant, puisque Sabrina, vous êtes vétérinaire de formation. J'ai donc retrouvé Aude Bourgeois et Thibaut Perse au muséum pour voir un groupe d'orang-outans et nénettes, pas seulement. Et donc la singerie c'est un peu comme un laboratoire, on les nourrit, on les soigne et surtout on découvre plus sur leur comportement et psychologie, par exemple à travers une séance de traitement médical. L'entraînement des orang-outans, ça se fait tous les jours. Ce sont les soigneurs en fait qui font cette activité. Et nous, en tant que vétérinaires, on y participe régulièrement parce que, bien sûr, c'est un entraînement, c'est basé sur la confiance. Quand on reçoit un nouvel animal, d'abord, on passe beaucoup de temps avec lui pour maintenir un lien de confiance. Et donc, voilà, on ne peut pas commencer l'entraînement si l'animal n'a pas confiance, parce que la première chose, c'est qu'il accepte de venir et qu'on lui donne à manger à la main et de rester avec nous. Donc, c'est ça la première chose qu'on va travailler. En fait, le principe de l'entraînement aussi, c'est aussi, ça améliore leur bien-être parce que ça leur redonne une emprise sur leur environnement. Ce sont eux qui contrôlent et qui ont le choix de participer ou pas. S'ils n'ont pas envie de venir, ils ne viennent pas. Donc, ce sont eux qui contrôlent aussi le lien qu'ils vont créer avec nous, et là, c'est une relation qu'on va créer avec eux. Alors, en tant que vétérinaire, souvent, on fait ce métier-là parce qu'on aime les animaux, mais malheureusement, on leur fait que des misères. Hein. On leur fait des piqûres, on leur fait des choses qui peuvent faire mal. Hein. C'est comme les médecins avec les enfants. Et du coup, on se doit, pour des espèces très sensibles comme ça, bah, comme les orang-outans, d'entretenir notre capital confiance. Quoi. Donc là, voilà, on rentre dans le couloir de service de la singerie. Là, on va ouvrir l'accès pour regarder à travers la porte grillagée. Là, il est 16h environ, donc c'est une heure où ils sont plutôt calmes, ils s'attendent à... Est-ce qu'ils ont la notion du temps ? Là, oui, oui, tout à fait. En fait, ils sont rythmés par la routine des soigneurs. C'est-à-dire qu'ils connaissent très bien le fonctionnement, le déroulement de la journée. Ils savent à quelle heure ils vont avoir leur repas, voilà. Alors là, c'est Théodora. Bonjour Théodora, ça va ? Donc elle vient voir ce qui se passe, elle nous a entendus, donc elle vient voir. Et là, derrière, c'est Bangui. Bangui qui aussi vient voir ce qui se passe, c'est le jeune mâle. Qui n'accepte pas trop d'être séparée des femelles. La troisième qui arrive. Tamou, voilà, une jeune femelle. C'est la fille de Théodora. Donc ils sont très curieux, hein, vous voyez, dès qu'il se passe quelque chose, ils viennent voir. Donc en fait, ils sont très bien au fait de la routine journalière. Alors à cette heure-ci, ils savent que ça va être le tour du soir. Donc il va y avoir le dernier repas. Les soigneurs vont dire au revoir. Bon, ils vont faire éventuellement l'entraînement des animaux. S'il y a des soins, des traitements à administrer, ils les donnent. Alors par exemple, on donne la pilule contraceptive à Nénette parce qu'elle est âgée. Elle a déjà eu plusieurs petits. Et puis on a vu... maintenant, ça serait un risque pour elle d'avoir des petits. Donc voilà, elle a droit à sa pilule tous les soirs. Et puis, s'il y a des petits bobos, des choses comme ça, des petits traitements à donner, un petit rhume, eh ben, ça va être à ce moment-là privilégié qu'on le donne. Quoi. Ah, Bangui, ça va ? T'es revenue ici ? Mm-hmm. Alors, bah, Tamou arrive, elle nous suit, avec Théodora. Ah, elle est nette, en fait, on la voit dans le... Elle est dans le... Elle se repose. Oula. Ah oui, il a éternué. Nénette, Neneu, allez viens ma belle. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Là, je lui donne la pilule. En fait, il va lui mettre dans un yaourt pour lui donner plus facilement. Elle veut pas venir, hein. Ouais, c'est bien. Donc là, on lui donne une cuillère de yaourt où il y a la pilule. La pilule, comme avec Tamou. Pendant que lui s'occupe de Nénette, qui a besoin d'avoir son traitement parce qu'elle est un peu enrhumée. Donc on lui fait des nébulisations de certains produits pour dégager ses voies respiratoires. Base de plantes en fait. Donc c'est quoi cet instrument qu'on va chauffer ? Un inhalateur. Au traitement. Donc là on entend le bruit de la machine qui s'est mise en route. Et on va sentir une bonne odeur de plante. Elle est effrayée par le dispositif ? Absolument pas, non. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps, mais elle le connaît. Et du coup, il n'y a aucun stress et aucune peur de sa part. Nénette, viens. Tu viens devant ? Tu mets le nez ? Non, le nez. Le nez. Voilà. Et voilà. En fait, on le met directement dans les narines. Directement dans les narines, c'est un inhalateur. Donc du coup, le plus longtemps elle en respirera, le plus ça fera effet, en fait. Le nez, encore. Encore. Ouais, c'est bien le nez. Du coup, je la récompense au fur et à mesure. Viens devant, là. Viens devant. Là, on vient d'inhaler pendant une bonne dizaine de minutes. Ouais, donc en fait, les soigneurs, ce sont eux vraiment qui créent le lien avec les orang-outans. Ils travaillent tous les jours avec eux, ils font l'entraînement, ils leur distribuent les repas. Voilà, ils sont au plus près d'eux et puis ce sont eux qui vont nous signaler quand il y a quelque chose qui va pas bien. Ce sont eux qui nous appellent quand justement qu'il y a un comportement qui est anormal par rapport à d'habitude. Il faut remonter les informations et puis ensuite en tant que vétérinaire on vient voir et puis donc après poser un diagnostic c'est en fonction de ce qu'on peut faire. Donc c'est pour ça qu'on fait l'entraînement médical avec les animaux. On peut au moins les ausculter, on peut faire des prélèvements. Et la prochaine étape ça sera de faire des prélèvements sanguins et puis ensuite on adapte les traitements s'il y a besoin ou pas. Des fois c'est juste le fait de voir, venir voir comment ça se passe, contrôler, constater. Et puis attendre de voir comment ça évolue, parce que sur les animaux sauvages, bah, c'est pas comme les animaux domestiques, on peut pas les manipuler comme on veut. Donc il faut toujours. Il y a un entraînement derrière, apprendre à faire des gestes. Voilà, c'est ça, voilà. Et puis si on doit intervenir, bien sûr, il faut toujours peser le pour et le contre, parce que effectivement, intervenir sur Nénette, si on doit l'anesthésier, il faut réfléchir au fait qu'il y a toujours. Ça comporte un risque et voir si ce risque-là est à la. On est prêt à le prendre, justement, donc il faut tout mettre en balance. C'est pour ça qu'on travaille en amont au maximum. On essaye de travailler plus sur faire en sorte qu'ils ne tombent pas malades. On est dans la prévention beaucoup. Voilà le reportage, la ménagerie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Une réaction, Sabrina Krief, à ce que vous venez d'entendre. C'est important le travail, l'observation en captivité. Ça permet évidemment un certain nombre d'observations qui sont impossibles dans le milieu sauvage naturel. Oui, bien sûr. Donc les zoos ont un rôle très important pour la sensibilisation du grand public et puis pour nous aussi chercheurs. Donc je travaille de façon très étroite avec la ménagerie du Jardin des Plantes. On a par exemple aussi travaillé sur la façon dont les orangs-outans perçoivent et les autres singes de la ménagerie perçoivent les aliments bio, par exemple, et comparer la réaction des primates à celle des étudiants et montrer que bah, finalement, on a les mêmes goûts. On préfère les bananes et les pommes bio, donc complètement en aveugle, hein, comme les orangs-outans. Par contre, les carottes, qui souvent ont un goût beaucoup plus fort, sont souvent préférées conventionnelles. Et les étudiants donc, expliquent que les carottes bio sentent souvent trop la terre. D'accord. Alors, pour conclure cette émission, dans cette dernière partie, j'aimerais qu'on évoque un autre pan de vos travaux qu'on avait déjà traité d'ailleurs ici même à la méthode scientifique à propos de la résilience des chimpanzés à la pression anthropique, hein, avec certaines observations qui sont assez brutales, notamment la multiplication des malformations congénitales liées à la pollution agricole. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé sur cette piste-là et ce que vous avez constaté sur le terrain ? Donc il y a une dizaine d'années, en fait, on a changé de site d'études, on s'est décalé un peu vers le nord du même parc à Kibale, donc une communauté voisine de celle de Kanyawara, et on a choisi cette zone-là justement parce qu'elle présente des caractéristiques qui regroupent les menaces qui pèsent actuellement sur les grands singes, à savoir les infrastructures, en particulier donc une route nationale qui coupe le domaine vital des chimpanzés, l'agriculture très présente à la bordure du parc, une agriculture intensive avec des plantations de monoculture de thé, de bananes plantain, etc. Du braconnage a vraiment effet important. Pas directement orienté vers les chimpanzés, mais dont les chimpanzés sont les victimes. Et donc, un moyen aussi d'étudier les maladies qui peuvent être échangées entre humains et grands singes. Donc, ça représente un peu une sorte de laboratoire géant de ce qui peut se passer pour l'avenir des grands singes à une échelle beaucoup plus large en Afrique. Et donc, on a d'abord travaillé, puisque les chimpanzés n'étaient pas habitués, ils étaient complètement sauvages, donc impossible de faire des observations sur l'automédication. Donc aujourd'hui, après 10 années, on commence à avoir des pistes. Mais on a d'abord choisi de travailler sur donc l'impact des activités humaines sur les chimpanzés. Donc une première chose a été d'évaluer la fréquence des interactions des chimpanzés avec les zones agricoles. Donc on a montré par enregistrement régulier des points de contact des chimpanzés qu'on pouvait rencontrer, qui n'évitaient pas les bordures du parc, qu'ils se nourrissaient parfois juste à la lisière, même à la lisière de la route, enfin vraiment sur le bord de la route, et puis que parfois donc ils allaient consommer les aliments plantés en bordure, en particulier le maïs. Donc là, on a posé des pièges caméras qui ont révélé que les chimpanzés avaient parfois même des comportements nocturnes. Ça, c'était aussi tout à fait nouveau, ça n'avait jamais été enregistré. Et donc, qu'ils consommaient parfois jusqu'à 6-10 épis de maïs par jour. Et au fur et à mesure que l'habituation se poursuivait, non seulement on détectait qu'environ 30% des chimpanzés avaient des mutilations, mais aussi qu'ils semblaient avoir des visages un peu bizarres. Des mutilations qui étaient dues à quoi ? Donc au braconnage. On a 30% des chimpanzés qui ont des pieds, des bras en moins, des phalanges aussi en moins, à cause de collègues filets qui sont placés par les braconniers pour attraper du petit gibier, mais que les chimpanzés réussissent à casser. Ils gardent le câble pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce que la main nécrose et donc qu'ils se retrouvent amputés. Et puis 30% des chimpanzés aujourd'hui se révèlent avoir des malformations faciales. Donc on a une femelle qui a un bec de lièvre, et puis la plupart des chimpanzés malformés ont des narines atrophiées, des dissymétries nasales, une face très, très aplatie, voire parfois même concave. On a un peu exploré les différentes hypothèses génétiques, infectieuses, qu'on a relativement rapidement éliminées, et celle qui semble la plus plausible est celle de l'exposition aux pesticides. Donc par le biais de la consommation du maïs, ou bien par les ruissellements des produits qui sont vaporisés sur le thé régulièrement. Donc on a échantillonné les sédiments, le sol, les rivières, les poissons et aussi les graines de maïs qui sont utilisées. On a montré qu'il y avait présence de DDT, de son métabolite DDE, de néonicotinoïdes, de glyphosate, de chlorpyrifos. Tout ça, non seulement à la bordure, mais aussi à l'intérieur du parc, à savoir dans l'eau des rivières et aussi dans la chair des poissons. Il y a des seuils de concentration très élevés, par ailleurs. À des seuils de concentration élevés ou très élevés, mais par exemple, le DDT n'est plus censé être utilisé dans le monde, en tout cas en usage extérieur. L'imidaclopride se retrouve, donc le néonicotinoïde, se retrouve dans la chair des poissons, alors que théoriquement, l'usage est relativement limité, et évidemment que à l'extérieur du parc. Et donc, on a découvert aussi que le maïs qui était planté est un maïs enrobé sur lequel en fait, aucune précaution d'usage n'est mentionnée sur le packaging. Et donc, c'est un maïs rouge qui est planté et qui, en plus, est souvent pulvérisé d'autres intrants chimiques. Donc, souvent, des cocktails qui semblent assez inquiétants. Donc, je travaille avec ma collègue Barbara Domenex, qui travaille sur les perturbateurs endocriniens chez l'homme. Et il nous semble vraiment très probable que ce soit la raison de ces malformations faciales. Donc, aujourd'hui, les recherches qu'on poursuit cherche à utiliser les prélèvements des chimpanzés, donc les urines ou les fesses, pour tracer ces molécules, mais également d'essayer de voir quelles variations saisonnières il y a de ces usages et de l'exposition des chimpanzés. On a aussi détecté des babouins qui sont aussi victimes de malformations, et c'est encore plus visible puisque les babouins ont un long nez, et donc on a parfois des narines entre les deux yeux, ou des choses vraiment ectopiques avec parfois une seule narine, etc. Donc c'est vraiment une source d'inquiétude, parce que évidemment, les chimpanzés étant nos plus proches parents, on imagine les dégâts que ça peut faire sur les populations humaines. C'est des dégâts qu'on ne peut pas forcément juger à la bordure du parc, le thé étant bien entendu exporté, pas forcément bu localement, donc voilà, ça peut se disperser chez les acheteurs, c'est-à-dire les consommateurs européens en particulier. Quant au maïs, le maïs enrobé est aussi décrit par les villageois comme ayant un goût désagréable, et généralement ils ne le consomment pas eux. Donc c'est aussi du maïs qui est vendu à l'extérieur, donc pas évident non plus là encore de montrer que localement il y a des effets sur les populations humaines. Mais par contre, chimpanzés et babouins nous montrent bien là qu'il y a vraiment un risque potentiel pour nous humains. Ce que ça montre de manière extrêmement criante et extrêmement brutale, c'est surtout tous les problèmes qui pour le coup touchent la plupart des grands singes à l'état sauvage partout dans le monde, c'est celui de la superposition des habitats, celui de la fragmentation aussi des habitats, qui met en danger là de manière particulièrement criante, mais même sans forcément l'ajout, le surajout de la problématique des pesticides, en règle générale, tous les grands singes un peu partout dans le monde, quelle que soit leur espèce. Oui, alors les chiffres sont alarmants, hein. On estime que 75% des populations de grands singes ont disparu dans les 50 dernières années. Ces 50 dernières années, c'est celle qu'il nous a fallu pour les découvrir et les comprendre. Et encore, il nous reste énormément de travail à faire. Donc en un demi-siècle, on a la plupart des populations qui ont disparu. La menace principale étant évidemment la fragmentation de l'habitat, la perte de l'habitat et le manque de connectivité entre les populations. Puisque là, dans le parc de Kibale, on a environ 1 000 000 de chimpanzés qui semblent encore être présents à grande densité. Mais depuis 20 ans que je travaille dans cette zone-là, on a vu disparaître les petits fragments qui étaient alentours. Puisque les humains n'ont plus le droit de pénétrer dans le parc, bien évidemment, évidemment, ils font usage du bois qui est en périphérie. Et petit à petit, l'agriculture plus cette interdiction d'utiliser de façon raisonnée le bois dans le parc fait que les fragments qui ne sont pas protégés, du coup, ne sont pas utilisés de façon raisonnée. Et donc, on a perdu ce qui potentiellement était encore des corridors entre des zones de forêt à cause de cette gestion des parcs nationaux. Donc, il y a aussi à repenser les zones de conservation. Et là, donc, actuellement, nos résultats nous poussent à essayer de mettre en place une zone autour donc de la communauté de Sébitoli avec réduction des intrants chimiques pour espérer une amélioration des revenus des populations locales qui du coup utiliseraient moins les ressources locales aussi bien de faune, donc limitation du braconnage, que de flore, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des gens qui rentrent dans le parc pour couper des arbres, écorcer, encore une fois souvent pour des usages en Occident, hein, en particulier le Prunus africana qui est utilisé pour les problèmes de prostate ici en phytothérapie, ou encore du poivre sauvage qui est du poivre grimpant, et les locaux coupent les arbres pour pouvoir récupérer plus facilement les lianes. Et encore une fois, ce n'est pas un marché local. Donc on est les principaux consommateurs de cette forêt tropicale, donc on a aussi moyen de pouvoir raisonner nos usages et essayer de réduire la pression sur cette forêt tropicale. Et quels sont les échos que vous trouvez auprès des pouvoirs locaux quand vous essayez justement de mettre en place des actions de préservation comme ça ? Alors en fait, on travaille avec les autorités qui gèrent le parc pour essayer d'améliorer les patrouilles anti-braconnage. On travaille aussi donc avec les agences qui font de la recherche agronomique en Ouganda. Par contre, évidemment, aujourd'hui, avec l'augmentation démographique, les politiques publiques africaines sont plutôt en termes d'intensification. Et donc là, notre souhait est d'essayer de montrer que il est le même en fait qu'ici en France, que les rendements ne seront pas forcément énormément réduits si on arrête d'utiliser du glyphosate. Là, on a quand même un appui assez important de la part des organismes de recherche. Après, il faut que les politiques publiques suivent. Et notre espoir est de commencer par une étude pilote préliminaire pour essayer d'apporter des arguments. Mais il y a déjà des productions de thé bio qui sont vraiment proches du parc et qui montrent que l'agroforesterie, c'est-à-dire le mélange des plantes, est favorable et permet d'avoir des rendements tout à fait satisfaisants sans usage d'intrants. Donc voilà, on espère que ça puisse petit à petit gagner du terrain, mais voilà, j'ai bon espoir. Et pour conclure, Sabrina Krief, sur une bonne nouvelle, mais qui est une bonne nouvelle en demi-teinte, elle aussi, c'est découverte d'une nouvelle espèce de orang-outan. La première fois qu'on découvre une nouvelle espèce de grand singe depuis les années 30. Alors malgré tout, c'est une bonne nouvelle, et en même temps, on se rend compte que c'est une espèce qui est déjà menacée d'extinction, alors qu'on vient à peine de la découvrir. Ouais, donc cette espèce a été trouvée dans un milieu assez particulier, qui fait que les chercheurs avaient eu assez peu l'occasion vraiment de l'explorer. Une zone de montagne qui n'est pas forcément celle la plus connue à Sumatra. Ils ont découvert donc une population qu'ils estiment de 800 individus, donc une très petite population, et qui elle-même est donc à peine découverte, déjà connue pour être menacée par un barrage hydroélectrique qui fragmenterait encore leur zone d'habitat. Donc cette découverte est à la fois une bonne nouvelle, puisque c'est toujours chouette de savoir qu'on peut encore découvrir, même dans des zones quand même relativement délimitées, une île, une nouvelle espèce d'un grand singe. Mais évidemment, ça reste extrêmement inquiétant vu les menaces qui pèsent sur cette espèce. Cette espèce, son existence était supposée depuis quelques années, parce qu'on avait retrouvé, je crois, des ossements où on se disait « Ouh là là, ça ressemble pas tout à fait », parce qu'il faut rappeler qu'il y a il n'y avait que deux espèces de orang-outan. Ce serait donc une troisième aujourd'hui. On sait bien la répartir, on comprend assez bien comment elle est issue et comment elle se relie aux deux autres espèces. Oui, alors les travaux ont combiné des études morphométriques à partir du crâne, un crâne qui a été retrouvé et qu'ils ont donc comparé à l'espèce connue de Sumatra et à l'espèce connue de Bornéo. Et même si l'échantillonnage peut paraître un peu réduit, les données montrent que les différences entre cet orang-outan qui se trouve au sud de la zone connue des orang-outans de Sumatra est plus différent de l'orang-outan du nord de Sumatra qu'il ne l'est de Bornéo. Donc si on décide que Bornéo et Sumatra portent bien des espèces différentes, on ne peut que décider que cette troisième espèce est bien une espèce et pas une sous-espèce. Pour conclure, un dernier mot, Sabrina Krief, que peut-on faire ? Vous l'avez évoqué un petit peu, mais au niveau individuel, individuel si on veut s'engager pour aider à la protection des grands singes aujourd'hui? Alors, dans nos comportements de tous les jours, recycler, trier le papier, rester vraiment conscient que nos usages ici ont des répercussions. Après, notre alimentation, donc on a beaucoup parlé de l'huile de palme, mais aussi penser que le thé, le café, le cacao sont aussi des plantations qui viennent des régions tropicales, et que de choisir du thé bio et équitable a un effet sur la préservation de l'environnement. Des gens mieux payés seront bien sûr moins destructeurs de leur habitat, et puis éventuellement soutenir les projets. Voilà, nous on a en particulier une association qui œuvre pour la défense des grands singes. Vous avez un site internet, quelque chose où on peut se diriger si on veut vous aider à accompagner ces projets? Sabrina-jm-krief.com. Et voilà, merci beaucoup Sabrina Krief d'avoir été notre première invitée de cette semaine consacrée aux grands explorateurs sur France Culture. On peut retrouver cette émission et toutes les autres comme d'habitude sur le site de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr, ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique: Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noïm Naguet Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Olivier Dupré à la technique. Demain, deuxième grande exploratrice, et oui, cette fois-ci, de l'univers, et plus précisément des galaxies et des amas de galaxies et des amas de galaxies. Beaucoup de géographie spatiale au programme en compagnie de l'astrophysicienne Hélène Courtois. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.